الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، on continue la lecture et la traduction du livre تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، un livre de l'imam عبد الغني المقدسي رحمه الله، et une explication de Sheikh عبد الله البسام رحمه الله تعالى. Durant le dernier cours, on avait expliqué le hadith 176, qui est le hadith de Anas ibn Malik rahimahullah ta'ala, qui est un hadith extrêmement court et extrêmement facile à apprendre. Qui l'a appris? Qui l'a appris? Vous ne vous en souvenez plus? Tasahharu fa inna fi sahuri baraka. Tasahharu فإن في السحور بركة. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث 77 بعد المئة، le 177e حديث. عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. رواه البخاري. سن أنس ابن مالك رضي الله عنه qui rapporte de زيد ابن ثابت رضي الله عنه qui dit, c'est-à-dire زيد ابن ثابت, nous avons fait le sahour avec le prophète صلى الله عليه وسلم, puis il s'est levé pour la prière. Anas a dit, j'ai dit à Zayd, combien de temps y avait-il entre Al-Adhan et Al-Sahour? Il a répondu, l'équivalent de 50 versets, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Al-Gharib, Al-Adhan, yuridu bihi l'iqamah. ويبين ذلك ما في الصحيحين عن أنس عن زيد قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت كم كان بينهما قال قدر 50 آية. Les termes étranges du hadith. Al-Adhan. Lorsque Anas رضي الله عنه a demandé à Zayd ibn Thabit combien y avait-il de temps entre eux Al-Adhan et Al-Sahour. Ici, Al-Adhan, dans ce hadith, il faut le comprendre dans le sens de l'Iqamah. Dans le sens de l'Iqamah, qui est le deuxième appel qui précède juste le moment où on s'apprête à prier. Et ce qui prouve cela est une autre version rapportée par Al-Bukhari et Muslim, selon Anas toujours, selon Zayd ibn Thabit, qui dit nous avons fait le sahour avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis nous nous sommes levés pour prier. Puis nous nous sommes levés pour prier. J'ai dit, c'est-à-dire Anas a dit à Zayd, combien y avait-il entre les deux, c'est-à-dire entre le sahour et le moment où vous vous êtes levés pour prier? Il a répondu 50 versets. Al-ma'na al-ijmali, le sens général du hadith. يروي أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما أن زيدا تسحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من سنته أن يتسحر قبل الصبح ولذا فإنه لما تسحر قام إلى صلاة الصبح فسأل أنس زيدا كم كان بين الإقامة والسحور قال قدر 50 آية. Le sens général du hadith. Anas rapporte, selon Zayd ibn Thabit, radiyallahu anhuma, que Zayd a fait le sahour avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le sahour avant la prière du subh. C'est pour cela que lorsqu'il a fait le sahour, il s'est levé pour accomplir la prière du subh. Et Anas a demandé à Zayd combien de temps y avait-il entre l'iqamah, le deuxième appel à la prière, et al-sahour. Ici, quand on dit le deuxième appel à la prière, pour être plus précis, c'est le troisième appel à la prière. Parce qu'on peut comprendre du deuxième appel à la prière que c'est le deuxième adhan de de subh. Car la sunna dans le subh, c'est qu'il y a deux adhan. Le premier pour réveiller les gens et le second pour annoncer l'entrée de l'heure. Et donc, le troisième appel à la prière qui est l'iqama, qui, elle, précède le moment où l'on entre en prière. Donc, combien de temps y avait-il entre l'iqama et al-sahur? Il a répondu l'équivalent de 50 versets. ما يؤخذ من الحديث أولا أفضلية تأخير السحور إلى قبيل الفجر. Ce que l'on retient du hadith. Premièrement, qu'il est recommandé de retarder le sahur jusqu'à un peu avant le fajr. Jusqu'à avant, un peu avant l'aube. ثانيا المبادرة بصلاة الصبح حيث قربت من وقت الإمساك. Deuxièmement, l'on retient de ce hadith le fait de s'empresser à accomplir la prière de Subh, car la prière a été accomplie dans un laps de temps court après l'imsak. Donc entre la fin du sahur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'iqama, il y avait le temps de lire 50 versets. Et entre la fin du sahur et l'iqama, il y a l'adhan. Déjà, parce que l'adhan, c'est ce qui annonce la fin du sahur. Lorsque l'aube entre ou apparaît, lorsque l'heure du fajr entre, la personne n'a plus le droit de manger. Puis il y a les deux raka'at sunnatay al-fajr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'accomplir. De quelle façon? De façon rapide. Rapide, au point même que certains compagnons se demandaient si le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait Al-Fatiha ou non. Donc, le fait qu'il y ait un laps de temps court entre la fin du sahur et l'iqama prouve que fait partie de la sunna de s'empresser à faire cette prière de subh. Thalithan, إن وقت الإمساك هو طلوع الفجر كما قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وبهذا نعلم أن ما يجعله الناس في وقتين وقت للإمساك ووقت لطلوع الفجر بدعة ما أنزل الله بها من سلطان وإنما هي وسوسة من الشيطان ليلبس عليهم دينهم وإلا فإن السنة المحمدية أن الإمساك يكون على أول طلوع الفجر. Troisièmement, l'on retient de ce hadith que l'heure dans laquelle on s'abstient de manger est l'apparition de l'aube, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, et mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Et ainsi, nous savons que ce qu'ont fait les gens en mettant en place deux horaires ou deux moments. Le moment de l'imsak où l'on s'arrête de manger et le moment de l'apparition de l'aube. L'on sait, à travers ce hadith, que de mettre en place ces deux horaires est une innovation qu'Allah Azza wa Jal n'a jamais légiférée. Et que cela est une insufflation du diable afin de troubler la religion des gens. Quant à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'imsak, le fait de s'abstenir de manger a lieu lorsque l'aube apparaît. Ainsi, ce que l'on voit malheureusement dans certains calendriers, voire dans beaucoup de calendriers, l'heure de l'imsak est l'heure du fajr. En général, ils mettent un quart d'heure entre ces deux horaires. Et si on leur demande pourquoi un quart d'heure, qu'est-ce qu'ils répondent? Il n'y a aucune preuve. Et subhanallah, on voit que ceux qui s'égarent arrivent à s'entendre dans leur égarement. Moi, j'ai rarement vu un imsak au-delà de 15 minutes. On se demande d'où est-ce qu'il tire ce laps de temps bien particulier. ثم قال المؤلف رحمه الله الحديث الثامن والسبعون بعد المئة le 178e حديث عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم رواه البخاري واللفظ له ومسلم selon Aïcha et Umm Salama radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrivait à l'heure du fajr en étant en état de grande impureté. En état de grande impureté à cause du rapport qu'il a eu avec ses épouses. Puis il se lavait et jeûnait. Puis il se lavait et jeûnait. Rapporté par Al-Bukhari, et ces termes sont ceux de l'imam Al-Bukhari dans son Sahih, et le hadith est également rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim. Al-Ma'na al-Ijmali, le sens général du hadith. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع في الليل وربما أدركه الفجر وهو جنب لم يغتسل ويتم صومه ولا يقضي وهذا الحكم في رمضان وغيره وهذا مذهب جمهور العلماء ولم يخالفهم إلا قليل ممن لا يعتد بخلافهم وقد حكى بعضهم الإجماع على هذا القول le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des rapports intimes la nuit et il était possible que l'heure du fajr arrive alors qu'il était toujours en état de grande impureté et ne s'était pas encore lavé, sallallahu alayhi wa sallam. Il complétait son jeûne, mais ne rattrapait pas. Et ceci, et ce jugement, est valable pendant le ramadan et en dehors du ramadan, pour celui qui jeûne en dehors du ramadan, pour toutes sortes de jeûnes, que ce soit le jeûne obligatoire, s'il rattrape des jours, ou s'il fait une expiation, ou des jeûnes surérogatoires. Et ceci est l'avis de la majorité des savants, et ne les ont contredits qu'une minorité dont l'on ne prête pas attention à leur divergence. Et certains savants ont même rapporté l'unanimité des savants sur ce sujet, à savoir que le fait d'être en état de grande impureté au moment du fajr et que l'on jeûne, que cela n'a aucun impact sur le jeûne et que le jeûne est valide. ما يؤخذ من الحديث أولا صحة صوم من أصبح جنبا من جماع في الليل. Premièrement, le retient de ce hadith la validité du jeûne de celui qui se retrouve en état de grande impureté au moment de l'aube. De celui qui se retrouve en état de grande impureté après avoir eu un rapport la nuit. ثانياً يقاس على الجماع الاحتلام بطريق أولى لأنه إذا كان مرخصا فيه من المختار فغيره أولى. Deuxièmement, l'on fait l'analogie entre le rapport intime et les rêves érotiques. Si cela est autorisé pour celui qui a eu un rapport intime la nuit, alors cela est d'autant plus autorisé pour celui qui se retrouve en état de grande impureté à cause d'un rêve érotique. Car ce qui est autorisé pour celui qui fait une chose délibérément est d'autant plus autorisé pour celui qui le fait de façon involontaire, car un rapport avec son épouse est fait de façon délibérée. Un rêve érotique est fait de façon involontaire. Thalithan, أنه لا فرق بين الصوم الواجب والنفل ولا بين رمضان وغيره. Troisièmement, qu'il n'y a pas de différence dans ce jugement entre le jeûne obligatoire et le jeûne surérogatoire. De même qu'il n'y a pas de différence entre le jeûne, entre le ramadan et les autres mois de l'année. رابعا جواز الجماع في ليالي رمضان ولو كان قبيل طلوع الفجر. وأخذ بعضهم جواز الصيام من الجنوب. نعم. Quatrièmement, on retient de ce hadith l'autorisation d'avoir des rapports intimes les nuits du Ramadan, même si ce rapport a lieu juste avant l'apparition de l'aube. Même si le rapport a lieu juste avant l'apparition de l'aube. وأخذ بعضهم جواز الصيام من الجنوب من قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، لأن الآية تقتضي جواز الجماع في ليل الصيام كله، ومن جملته الجزء الذي قبيل الفجر، بحيث لا يتسع للغسل، فمن ضرورته الإصباح جنبا، وهذه دلالة الإشارة عند الأصوليين. Et certains savants ont compris l'autorisation de jeûner en état de grande impureté le matin. Ils ont compris cette autorisation dans la parole d'Allah Azza wa Jal, dans le verset 187 de Sourate Al-Baqarah. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. On vous a permis la nuit du jeûne d'avoir des rapports avec vos femmes. Et ils ont dit, car le verset implique l'autorisation d'avoir un rapport durant toute la nuit du jeûne. Quand on dit toute la nuit du jeûne, c'est Laylat al-Siyam, donc la nuit qui précède le jour du jeûne. Ils ont dit que ce verset, on en comprend que l'on peut avoir des rapports avec son épouse toute la nuit du jeûne. Et fait partie de la nuit du jeûne le laps de temps de la nuit qui précède l'aube. Est-ce que vous avez compris ou pas? De telle sorte que la personne n'ait pas le temps de se laver. Si on prend l'exemple, en donnant un temps, les 20 minutes qui précèdent l'apparition de l'aube, est-ce que c'est considéré comme la nuit ou pas? Eh bien, ils disent que ce laps de temps court dans lequel il est autorisé d'avoir des rapports avec son épouse, mais en même temps, c'est un temps qui est court et qui ne permet pas à la personne de se laver avant l'apparition de l'aube. Et donc, ceci implique et impose que la personne qui a un rapport pendant ce laps de temps qui pour lui est autorisé, car c'est avant l'apparition de l'aube, mais que ce temps est tellement court qu'il ne lui permet pas de se laver, que l'on comprend de cela l'autorisation de jeûner en état de grande impureté au moment du fajr. Est-ce que c'est clair ou pas? وهذه دلالة الإشارة عند الأصوليين. Et c'est ce qui est appelé دلالة الإشارة chez les fuqaha, chez les savants de أصول الفقه. C'est-à-dire que dans le verset, il y a une preuve implicite, si on peut traduire comme ça. Khamisan, fadlu nisa'i nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ihsanihinna ila al-ummah. Faqad naqalna 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min al-'ilm ash-shay' al-kathir an-nafi', la siyama al-ahkam ash-shar'iyyah al-manziliyyah التي لا يطلع عليها إلا هن من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم فرضي الله عنهن وأرضاهن. Cinquièmement, on retient de ce hadith le mérite des épouses du prophète صلى الله عليه وسلم et leur bienfaisance vis-à-vis de la communauté musulmane, car elles ont rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam de nombreuses choses bénéfiques, notamment des jugements en rapport avec la maison, des jugements juridiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait dans sa demeure et dont ne pouvait avoir connaissance qu'elle, que ses épouses, radiyallahu ta'ala anhun, qu'Allah les agrée, qu'Allah soit satisfait d'elle, qu'Allah soit satisfait d'elle. الحديث قال المؤلف رحمه الله الحديث التاسع والسبعون بعد المئة. Puis l'auteur entame le 179e hadith. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه رواه البخاري ومسلم. Selon Abu Huraira رضي الله عنه, que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, celui qui oublie alors qu'il jeûne et mange ou boit qu'il continue son jeûne, car c'est Allah qui l'a nourri et c'est Allah qui l'a abreuvé. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. المعنى الإجمالي بنيت هذه الشريعة على اليسر والسهولة والتكليف بقدر الطاقة وعدم المؤاخذة بما يخرج عن الاستطاعة أو الاختيار ومن ذلك أن من أكل أو شرب أو فعل مفطرا غيرهما في نهار رمضان أو غيره من الصيام فليتم صومه فإنه صحيح لأن هذا ليس من فعله المختار وإنما هو من الله الذي أطعمه وسقاه. Le sens général de ce hadith. La législation musulmane est basée sur la facilité et le fait d'imposer des choses qui sont possibles et de ne pas prendre compte de ce qui est fait qui sort de la capacité et de la volonté de la personne. Et fait partie de cela, celui qui boit, celui qui mange ou qui boit, ou qui fait tout ce qui annule le jeûne, la journée du Ramadan ou pendant un autre jeûne, celui qui fait cela, c'est-à-dire de façon involontaire ou par oubli, alors qu'il continue son jeûne, car son jeûne est valide. Pourquoi est-ce que ce jeûne est valide? Car il ne l'a pas fait de façon volontaire, mais c'est Allah qui l'a nourri et l'a abreuvé. اختلاف العلماء, la divergence des savants. الجمهور من العلماء على أن الأكل والشرب من الناس لا يفسد الصيام والخلاف بينهم في الجماع هل له حكم الأكل والشرب بعدم الإفساد أم لا. Donc la divergence des savants. La majorité des savants considère que de boire et de manger en oubliant n'annule pas le jeûne. La divergence qu'il y a entre eux a lieu concernant le fait d'avoir des rapports intimes. D'avoir des rapports intimes, a-t-il le même jugement que de boire et de manger, c'est-à-dire que cela n'impacte pas le jeûne pour celui qui le fait de façon involontaire ou par oubli? فذهب الإمام أحمد وأتباعه إلى أن الجماع مفسد للصيام ولو كان من الجاهل أو الناس وإذا كان في نهار رمضان فهو موجب للكفارة وهو من مفردات مذهب أحمد. الإمام أحمد et ceux qui l'ont suivi considèrent que d'avoir un rapport pendant la journée du Ramadan ou la journée du jeûne annule le jeûne, même si cela a été fait de par un ignorant ou celui qui a oublié. Et si ce rapport a eu lieu pendant la journée du Ramadan, alors cela implique et impose l'expiation. Quelle est l'expiation de celui qui a un rapport de façon volontaire pendant la journée du Ramadan? Fasiyamu shahrayni mutatabi'ayn, de jeûner 2 mois consécutifs. Et c'est un avis du madhab de l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala, et ce sont les seuls à avoir cet avis. ودليلهم على ذلك مفهوم الحديث الذي اقتصر على الأكل والشرب دون الجماع مما يدل على مخالفته لهما ولأن النسيان في الجماع بعيد بخلاف الأكل والشرب. Quelle est la preuve de l'imam Ahmed رحمه الله؟ La preuve est le hadith d'Abu Huraira qui ne cite que le fait de manger et de boire. Il ne cite pas le fait d'avoir des rapports intimes. Ce qui prouve que le jugement d'avoir un rapport diffère de boire et de manger. Car le professeur Asselam ne l'a pas cité dans le hadith. Et ils disent aussi, car d'avoir un rapport avec son épouse par oubli est quelque chose de peu concevable, contrairement au fait de boire et de manger. وذهب الأئمة أبو حنيفة والشافعي وداود وابن تيمية وغيرهم إلى أنه لا يفسد الصيام واستدلوا على ذلك بما يأتي. Et les autres imams, Abu Hanifa, al-Shafi'i, Daoud, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et d'autres savants considèrent qu'il n'annule pas le jeûne, que celui qui a un rapport avec son épouse par oubli, par ignorance ou par erreur, que cela n'annule pas le jeûne, et ils ont pour preuve ce qui suit. Awalan lima rawa al-Hakim min hadith Abi Hurayra radhiyallahu anhu man aftara fi Ramadan nasiyan fala qada'a alayhi wala kaffara. قال ابن حجر وهو صحيح والإفطار عام في الجماع وغيره. Premièrement, la preuve est ce qui est rapporté par Al-Hakim dans son Mustadrak selon Abu Huraira radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui accomplit un acte qui annule le jeûne. Celui qui accomplit un acte qui annule le jeûne pendant le Ramadan par oubli, alors il n'a pas à le rattraper, il n'a pas d'expiation. Al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah a dit, et le hadith est authentique. Et ici, le professeur a dit, man aftara, celui qui a rompu son jeûne. Et ici, rompu son jeûne est général et inclus fait de boire, de manger et d'avoir des rapports. Et autres. ثانياً, la deuxième preuve. العمومات الواردة في مثل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وعفي عن لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. La troisième preuve, ce sont les généralités rapportées dans ce sujet. Comme la parole d'Allah Azza wa Jal, ô notre Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Et cela est général et englobe aussi celui qui a un rapport avec son épouse la journée du Ramadan ou du jeûne par oubli ou par erreur. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam également, dans le hadith jugé bon, rapporté par l'imam Ibn Majah dans ses sunan, Et il a été pardonné à ma communauté l'erreur et l'oubli et ce qu'ils font contre leur gré. وَمَسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ Lorsque quelqu'un, sous la menace, te force de faire quelque chose d'interdit. ثَالِثًا إِنَّ الْمُخَالِفِينَ فِي صِحَّةِ الصَّوْمِ يُوَافِقُونَ عَلَى سُقُوطِ الْإِثْمِ عَنْهِ وَإِذَا كَانَ مَعْذُورًا فَإِنَّ الْعُذْرَ شَامِلٌ وَلَا وَجْهَ لِلْتَفْرِيقِ وَأَجَابُوا عَنْ دَلِيلِ الْحَنَابِلَةِ بِأَنَّ تَعْلِيقَ الْحُكْمِ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ مِنْ بَابِ تَعْلِيقِ الْحُكْمِ بِاللَّقَبِ فَلَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِهِ عَمَّا عَدَاهُ. Troisièmement, la troisième preuve citée par la majorité des savants qui considèrent que d'avoir un rapport avec son épouse par oubli ou par erreur n'annule pas le jeûne. Ils disent que ceux qui les contredisent dans la validité du jeûne sont d'accord que celui qui l'a commis n'a pas de mal, n'a pas commis de péché. Donc, le premier avis, on a dit qu'ils disent que celui qui a un rapport avec son épouse pendant le ramadan ou pendant un jour de jeûne, que tout d'abord son jeûne est nul. Il n'est pas valide. Et que s'il l'a fait pendant la journée du ramadan, alors il doit jeûner 2 mois consécutifs. Mais ils sont d'accord qu'il n'a pas commis de péché. Et le fait de considérer son jeûne invalide ne veut pas dire forcément qu'il a commis un péché. Et justement, les autres savants disent que s'il est excusé, l'excuse est générale. S'il n'a pas commis de péché, alors cela doit englober le reste des jugements, à savoir que son jeûne est valide et qu'il n'a pas d'expiation à donner. Et rien ne vient différencier entre l'un et l'autre. Il n'y a pas de preuve qui vienne dire qu'il n'a pas commis de péché, mais que son jeûne est invalide et que s'il a commis pendant la journée du ramadan, qu'il doit donner une expiation. Et ils ont répondu au hadith. Le hadith d'Abu Huraira que l'on explique. En disant que le jugement concerne uniquement le fait de boire et de manger. Ils ont dit que cela a été cité dans le hadith min bab ta'liq al-hukm bil laqab ay bil ghalib, que le professeur Hassan a dit cela pour montrer ce qui a lieu le plus souvent et que cela ne vient pas exclure les autres formes d'annulation du jeûne. Autrement dit que le professeur Hassan a cité le fait de boire et de manger, car c'est ce qui est le plus fréquemment, ou c'est ce qui a lieu le plus fréquemment, mais cela ne signifie pas que le jugement se restreint à ces deux choses sans englober les autres dont font partie le fait d'avoir des rapports intimes. Est-ce que c'est clair ? Ma yukhadu min al-hadith, ce que l'on retient du hadith, أولا صحة صوم من أكل أو شرب أو جامع نسيا. Premièrement, la validité du jeûne pour celui qui a mangé ou bu ou a eu des rapports intimes par oubli. ثانيا أنه ليس عليه إثم في أكله أو شربه لأنه ليس له اختيار. Deuxièmement, qu'il n'a pas de péché en ayant mangé ou bu, car cela n'a pas eu lieu de façon volontaire. Thalithan, ma'na it'amihi min Allah wa saqihi annahu waqa'a min ghayr ikhtiyar wa innama Allah alladhi qaddara lahu dhalika bi nisyanihi siyamah. Et le sens du hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit mais c'est Allah qui l'a nourri et l'a abreuvé, c'est-à-dire que cela a eu lieu de façon involontaire de la part de la personne. Mais c'est Allah Azzawajal qui a prédestiné, qu'il allait oublier son jeûne. Mais c'est Allah qui a prédestiné que cette personne, ce jour-là, allait oublier qu'elle était en état de jeûne et qu'ainsi, elle mangerait ou boirait ou autre. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Donc pour la semaine prochaine, inshallah, vous avez trois hadiths à apprendre. وبارك الله فيكم.